بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de six assises pour apprendre nos limites, pour apprendre nos limites qu'il ne faut pas dépasser, et pour connaître la voie de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, et pour s'y cramponner. Notre assise concerne la méthodologie des savants concernant l'interprétation du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on comprenne ce Coran, qu'on le médite. Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَعَ لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. La traduction approximative du sens du verset nous dit « Ne médite-t-il pas le Coran ? Ne médite-t-il pas sur le Coran ? Ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas. » Saadi rahimahullah nous dit « Leurs cœurs sont scellés et fermés avec tout ce qu'il contient comme méfait, au point que le bien ne peut pas y accéder. Telle est la situation. » Fin des paroles de Saadi rahimahullah. Tabari rahimahullah rapporte concernant, ils ont sur leur cœur des cadenas, qu'un jeune yéménite a dit, ils ont sur leur cœur des cadenas jusqu'à ce qu'Allah les ouvre. Omar a gardé en mémoire ce jeune et la parole de ce jeune, et quand il est devenu prince des croyants, il a utilisé ce jeûne. Regarde maintenant le paramètre des nobles compagnons d'Allah alim pour choisir les personnes à mettre dans les places et dans les postes. Hein? Regardez cette déduction qu'avait ce jeûne sur le verset à Omar ibn Khattab, l'a gardé en mémoire. Et au moment où il a pris le pouvoir, où il est devenu prince des croyants, il l'a utilisé comme préfet. Hein? Regarde maintenant le baromètre des choix des gens. Comment il se fait, c'est nos nobles compagnons, radhiyallahu anhum, et regarde maintenant dans notre vie ce qui se passe. Il est crucial pour nos frères en Allah subhanahu wa ta'ala de prendre l'interprétation du Coran de nos savants dignes de la voix, ceux qui sont dignes de la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, à savoir les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et qu'on sache que nos savants contemporains ne font que nous rapprocher du langage de nos anciens. Le langage des anciens est gras, très fort. Et donc, nos savants actuels, qu'est-ce qu'ils font pour que on puisse accéder à la parole des anciens? Ben, ils nous la facilitent. Et tu as remarqué cela. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était là, deux paroles suffisaient et les compagnons comprenaient ce qu'ils voulaient. La génération des tabi'in, oui, l'explication du noble compagnon, le compagnon on fait l'acte devant eux. Et plus le temps passe, plus cette parole du prophète alayhi salatu wasalam, qui était composée d'un verbe, d'un sujet et d'un complément, a besoin de signification, d'interprétation, etc. Mais cette signification, ces interprétations ne doivent pas sortir de l'interprétation qu'avaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Regardez, prenez l'épître de l'Aqid al-Wasitiya. Le texte en lui-même, il est composé à peine d'une vingtaine de pages. Prends l'interprétation du Cheikh al-Uthaymeen, tu as plus de 500 pages ou 700 pages. Pourquoi? Tout simplement parce que plus le temps y passe, plus on s'éloigne de la prophétie des époques qui ont eu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les gens ont besoin de plus d'explications. Et il y a eu des non-arabes qui se sont convertis, etc. Et les gens ont besoin de beaucoup de savoir, déjà dans les matières de la langue arabe, avant les matières qui concernent, les outils qui concernent la compréhension de la religion, la compréhension des hadiths, et ainsi de suite. D'où qu'il est important pour nous de ne pas se leurrer, et de ne pas se faire avoir, et de ne pas se faire duper par notre esprit, que quand on a l'arabe, ça y est, on a gagné. Abadan, jamais de la vie. Hein? Il faut savoir que les savants se basent pour l'explication sur du Coran sur beaucoup de matières. Parmi ces matières, la connaissance de la maîtrise, l'istinbat, la déduction, la connaissance de la révélation, la connaissance des raisons de la révélation ou des causes de la révélation, des versets, la connaissance des textes abrogeants et abrogés, et la raison de l'abrogation. Ça, c'est une autre matière. Hein? Et la connaissance du Coran, mekkois et médinois, ceci est une autre matière. La connaissance de la présence des versets mekkois dans les sourates médinoises, et vice-versa. Ce sont là certaines matières sur lesquelles se basent les hommes de science pour l'interprétation du Coran. La déduction qui est l'istinbat, à ces conditions, déduire du jugement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou déduire une définition de la parole d'Allah ou du prophète alayhi salam, il a des conditions. La personne doit avoir une aqidah saine, et ses sources doivent être authentiques. Il ne doit pas faire partie de ceux qui suivent leur passion. Une condition. La deuxième, la maîtrise de la langue arabe, car c'est la langue du Coran. La maîtrise de la voie de déduction selon ce qui a été instauré par les savants des fondements de la jurisprudence, c'est-à-dire au sol fiqh. Comme la signification des termes et d'autres points. La connaissance de l'explication du sens des termes, des textes authentiques. Car si la déduction est basée sur une fausse explication, ben la déduction va être fausse. Je vous cite un exemple. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La yasqi man kani yu'minu billahi wal yawm al-akhir, la yasqi ala zar'i akhi. » Je viens et je l'interprète littéralement, je vais dire quoi? Celui qui croit en Allah et en le jour dire nuit, ne doit pas arroser la culture de son frère, de son voisin. Certains ont compris ça. Ils ont coupé le robinet pour leur voisin. Parce que, yasqi, zara, arroser le champ ou la culture de l'autre. Alors que ce que ça voulait dire, c'est que quand, si une femme a été divorcée et il est enceinte, tu ne dois pas mettre, hein, tu ne dois pas venir et rajouter dans la semence. D'abord, on se marie avec elle une fois qu'il a mis, bah, que, hein, vous voyez là, le hic où il est, que l'arabe, faut pas se leurrer. Comme salam, toi. Ça suffit pas. Donc, la déduction doit être basée sur une compréhension saine. Hein? Il doit être basé sur des textes authentiques. Sinon, tout va être faussé. Et une chose très importante, la déduction ne doit pas concerner les sujets de l'invisible. Tout ce qui est du domaine de l'invisible, la raison ne s'y mise pas. Abadan. Parce que c'est l'invisible. Et l'invisible est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et l'invisible ne peut être connu que par la révélation. ce qu'on connaît de certaines choses de l'invisible, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appris à son messager. Ils ont été révélés à son messager qui nous les a apprises. Mais sinon, on ne doit pas s'immiscer. Et il y a d'autres conditions. Je cite cela tout simplement pour qu'on sache rester à sa place. Et qu'on sache se limiter à nos capacités et ne pas les dépasser. Et ne pas prendre la place des hommes de science et ainsi de suite. Et qu'on sache qu'on ne doit pas dire n'importe quoi et n'importe comment sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Et dans la religion d'Allah. Lors de la précédente assise, nous avons vu ce que c'est que la déduction. Et on passe à une autre matière sur laquelle se basent les hommes de science pour l'interprétation du Coran, qui est les causes de la révélation. La connaissance des causes pour lesquelles les versets ont été révélés aide à la compréhension du Coran et aussi à la compréhension de la sunna du prophète alayhi salam. Le Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'Urwa a dit, il y a eu un désaccord entre Zubayr, radiyallahu anhu arda, et un Ansari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous les deux, et tous les nobles compagnons, à propos d'une eau qui descendait d'une montagne dans la région de l'Harra, à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zubayr, arrose ton champ, puis envoie l'eau à ton voisin. Le champ de l'Ansari se trouve en bas de celui de Zubayr, radiyallahu anhum. L'Ansari, quand il a entendu ça, il a dit, oh envoyé d'Allah, c'est parce qu'il est le fils de ta tante que tu as jugé en sa faveur. Alors que ce jugement était équitable. Hein? Maintenant, voici le réel jugement. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam changea. Puis il dit, ô Zubayr, arrose ton champ et retiens l'eau jusqu'à ce qu'il atteint l'extrémité des racines des palmiers. Et ce n'est qu'après que tu l'envoies à ton voisin. Il lui a donné son droit complet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné gain de cause à Zubayr, radiyallahu anhu majma'in. Quand Ansari a contesté son jugement, alors que le premier jugement était équitable pour les deux. Hein? Zubayr a dit, je n'ai aucun doute que les versets suivants ont été descendus à son sujet, concernant ce sujet-là. Où il est dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Le verset dont Zubayr a dit que ça s'est descendu concernant ce sujet, c'est le verset qui dit, dans la traduction approximative du sens, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettre complètement. Regardez, ils doivent s'y soumettre, trouver aucune gêne. Hein? Hada, c'est un des exemples parmi les exemples qui permettent de comprendre concernant les causes de la révélation. Il y en a d'autres. Et parmi les matières sur lesquelles se basent les savants dans l'interprétation du Coran, la connaissance de l'abrogeant, de l'abrogé. Et ceci est une grande aide pour la compréhension des textes de la révélation. et même des hadiths du prophète alayhi salam. L'abrogation qui est une nesr, c'est l'annulation d'un jugement par une autre preuve qui lui est postérieure. Le jugement ou le texte annulé s'appelle l'abrogé, le mensour. Et la preuve qui est la cause de cette abrogation s'appelle l'abrogeant, nasir. Il faut savoir que certains versets sont des abrogeants de certains autres versets. Hein? Et ceci n'est rien d'étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé dans le Coran qu'il y a des versets qui sont abrogés. Il en est de même pour certains jugements. Le jugement est arrivé, et à un moment donné, il y a un jugement qui est venu l'abroger. قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, si nous abrogeons un verset ou le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur ou semblable. Donc, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la preuve de l'abrogation. Parmi les exemples, prenons dans Sourat la Vache. Qala azza wa jal, in tubdu ma fi anfusikum, aw tukhfuhu, yuhasibkum bihillah. Ce verset nous dit que vous manifestiez ce qui est en vous, ou que vous le dissimuliez, Allah vous en demandera compte. Hein? Et ceci est très difficile, de rendre des comptes sur nos pensées. Hein? Ceci est très difficile, sur tout ce que nous pensons. Ce verset a été abrogé par le verset suivant, qui dit « La yukallifu Allahu nafsan illa usaha ». Le verset nous dit « Allah », le verset qui vient abroger, il vient alléger la situation. Allah n'impose à personne que ce dont il est capable. Est-ce qu'on est capable de maîtriser nos pensées? Hein? Et toutes les, ce qui chuchote dans notre intérieur? Et il faut savoir que ce verset a été difficile pour les compagnons. En pensant qu'ils doivent rendre compte de toutes leurs pensées. Et il y a eu l'allégement d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le verset qui suit. Voici un autre exemple. قال عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. La traduction approximative du sens du verset. Ces 20 d'entre vous sont endurants, ils vaincront 200. Là, c'est multiplié par combien? Par 10. 20, 200, multiplié par 10. Il a été abrogé par le verset qui dit Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fan fa in yakum minkum 100 100 sabira yaghlibu 200. Et l'allégement est arrivé. Désormais dans le verset, désormais Allah allège votre charge car il sait qu'il est une faiblesse en vous. Ainsi si il est parmi vous 100 endurants, ils vaincront 200. Maintenant, c'est multiplié par combien? Hein? Par 2. Regardez l'allégement, comment il est. Parmi les buts de l'abrogation, il met à, l'abrogation met à l'épreuve les soumis d'Allah et les teste pour savoir s'ils vont se soumettre aux prescriptions d'Allah ou pas. Et aussi l'abrogation complète le bien et les intérêts de la communauté. L'abrogation aussi facilite la tâche à la communauté. Quand l'abrogation tend vers un jugement plus rigoureux, la récompense augmente de façon proportionnelle. Ici, l'abrogation tend vers une souplesse, c'est un allègement des obligations. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il convient à ses créatures. C'est lui qui les a créées. Subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir aussi, et ceci est très important, que l'utilisation de l'abrogation est très difficile. Car il faut maîtriser les dates. Les dates doivent être maîtrisées. Hein, pour ne pas inverser les situations. Savoir à quelle date ce texte a été révélé, à quelle date cette parole du prophète alayhi salatu wasalam a été révélée, et à quelle date celle qui vient à l'abroger a été révélée. Donc, il ne faut pas croire que c'est comme ça, l'interprétation du Coran, j'ai l'arabe et je commence à disserter. Hein? Abadan akhal islam. Ce qui nous est demandé à notre époque, c'est de se limiter à l'interprétation de nos pieux prédécesseurs d'Allah alim, et à nos savants contemporains dignes de cette voie. Bien sûr, cette interprétation que j'ai entre les mains de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Al-Utaymin ou de Saadi ou autre, je peux méditer dessus, mais je ne vais pas ramener une autre explication. Mais je peux élargir mon esprit sur, hein, quand il parle de la grandeur, de l'immensité, de l'univers, etc. Et des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses prophètes et ainsi de suite. Je peux, hein, essayer de méditer, essayer de comprendre, de voir la grandeur, hein, de ces choses que j'ai en face de l'être humain. Mais je ne dois pas émisser ma raison et commencer à disserter dessus. Abadan. Et parmi les sujets importants pour la compréhension du Coran et sur laquelle se basent aussi les savants pour l'interprétation du Coran, la connaissance du Coran, mais quoi? Et la connaissance du Coran, médinois. Cette connaissance aide à la compréhension du Coran. C'est pour cela que les nobles compagnons lui ont donné une importance. Et ceux et leurs successeurs ont donné une grande importance aussi au Coran, mais quoi, et aux Médinois. Le Bukhari rapporte qu'Abdullah ibn Mas'ud, que Allah subhanahu wa ta'ala agré, a dit « Par celui qui est l'unique qui mérite l'adoration, par celui qui est l'unique qui mérite l'adoration, il n'y a aucune sourate qui fut révélée sans que je ne sache où il fut révélé. Il n'y a aucun verset du Coran dont je ne sais pas pourquoi il fut révélé. Et si je connaissais quelqu'un plus connaisseur que moi du livre d'Allah qu'on peut atteindre par les chameaux, j'irai à sa rencontre. » Hein? Regardez cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Hein? Il dit, il connaît chaque verset où il est descendu. Et pourquoi il est descendu? Hein? Et regardez cette ambition. Si je connaissais quelqu'un qui a des versets, qui a du Coran que je connais pas, j'irai. Si le chameau peut m'emmener jusqu'à là-bas, j'irai. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ses nobles compagnons pour être les vizirs et les transmetteurs de la religion après son messager alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, il a reçu un galon du messager alayhi salatu wassalam, un galon d'honneur qui n'a pas d'égal. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui veut apprendre le Coran comme il a été révélé, qu'il l'apprenne de Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abd al-Rahman, Regardez cet éloge du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Et les nobles compagnons d'Allah alayhim donnaient une grande importance à la parole d'Allah. Nous avons vu des exemples, comment ils s'arrêtaient devant les jugements, comment ils ne dépassaient pas. Hein? Omar ibn Khattab, en étant prince des croyants, comme dans l'histoire que nous avons citée auparavant, alors qu'il était prince des croyants, et quand le compagnon lui a cité le verset, il s'est arrêté. Hein? Et quand son préfet sur la Mecque, il l'a rencontré à Safan, il lui a dit, qui te remplace pour gérer les affaires des Miquois? Il a dit, Ibn Abza. Il a dit, c'est qui Ibn Abza? Il a dit, un serviteur. Il a dit, tu as laissé comme gouverneur gérer les Miquois, un serviteur. Et son préfet lui a dit, ce serviteur, il est un mémorisateur du Coran. Ce serviteur maîtrise la science de l'héritage. Ce serviteur est un juge. Abdullah ibn Omar n'a pas rajouté de dire, j'ai entendu votre message, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah élève avec ce Coran des gens et il rabaisse avec d'autres. Et l'affaire est close. Hein? Parce qu'ils savent mettre les choses à leur place. Et ils savent les personnes qui convient aller aux places. Hein? À leur place. Hein? Regarde notre monde maintenant dans lequel on vit. Dans lequel on ne sait plus la valeur des gens et on ne sait plus mettre les gens à la place où il convient. Mais c'est comme ça que ça doit être parce que c'est l'approche de la fin des temps comme il a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand les situations seront entre les mains de ceux qui n'ont pas les capacités, il faut s'attendre à la fin du monde, à la fin des temps. Et c'est comme ça qu'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne peut pas être autrement. Et ce n'est que les véridiques qui a dit la vérité, qui nous a annoncé tout ça. Donc, c'est pourquoi... C'est quoi le Coran, Miquois? Le Coran, Miquois, c'est juste la révélation qui a été faite avant la hijra du prophète, alayhi sallatu wassalam. Avant la hijra de la Mecque vers midi. Qu'il soit descendu à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Comme les versets qui ont été révélés à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il a été à Taïf ou autre. Du moment que ce sont des versets qui ont été révélés avant la hijra du prophète alayhi sallatu wassalam vers Médine, ce sont des versets miquois. Le Coran médinois, c'est la révélation qui a été faite après l'hijra. Que les textes ont été révélés à Médine ou en dehors de Médine, peu importe. Du moment que c'est une révélation qui est arrivée après la hijra, c'est le Coran médinois. Comme ce verset qui a été révélé lors du pèlerinage d'adieu du messager alayhi sallatu wassalam, alors qu'il était sur le mont Arafat. Et c'est un verset médinois. Et il est révélé là-bas, dans les alentours de la Mecque à Arafat. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La traduction approximative du sens du verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Hein? Et le verset, il est, c'est un verset médinois. Malgré qu'il soit révélé sur le mont Arafat. La majorité du Coran miquois traite les sujets suivants. Et ceci, c'est très important. Quand on lit le Coran, ça nous permet de savoir. Et de mettre les choses à leur place. D'abord, les sujets qui sont traités par le Coran, mais quoi? l'appel vers le monothéisme, l'appel vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que les Quraishites, les polythéistes Quraishites, rejettent. Comme cela est cité dans beaucoup de versets. قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. La traduction approximative nous dit cela. Lorsqu'on leur disait, dites qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ils refusaient par orgueil et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et ce genre de verset, tu en as beaucoup. Hein? Dans le Coran, qui appelle ses associateurs et qui nous montre la situation des associateurs et qu'est-ce qui leur a prévalu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qui les attend comme châtiment dans l'au-delà. Les Arabes de cette époque comprenaient parfaitement la signification du terme « la ilaha illallah ». Ils comprenaient parfaitement la négation et l'affirmation qu'il y a dans cette phrase. Ils comprenaient parfaitement « al-nafi » ou « al-itbat » que contient cette parole. Ils savent que celui qui la prononce, qui dit « la ilaha illallah » doit abandonner tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Contrairement à nos contemporains aujourd'hui, qui la prononcent et qui connaissent même pas sa signification, qui la prononcent et certains l'annulent avec des actes qui sont en contradiction avec la ilaha illallah. Le fait d'égorger aux morts, le fait d'égorger pour le jeûne, le fait d'implorer les morts, hein, le fait de consulter les devins, le fait de consulter les sorciers, et ainsi de suite. Ils la disent, et ils l'annulent en même temps, de l'autre côté. Les Arabes, quand ils l'ont refusé devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont refusé par connaissance de cause. Ils savaient que s'ils la disent, khlas, plus d'adoration du Zuhal, plus d'adoration du Neptune, ni d'adoration du Lat, ni l'Uzza, tout ceci doit s'effacer de leur esprit et de leur vie. Le Coran, mais quoi aussi, avertit contre le polythéisme. Comme le fait d'implorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. La traduction approximative du verset nous dit « Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter, ni te nuire. Si tu le fais, tu serais du nombre des transgresseurs. » Le Coran, cela nous prouve que le Coran, mais quoi, désapprouve ceux qui adorent les saints lorsqu'elles prétendent aussi que ces saints, que ces derniers les rapprochent d'Allah et qu'ils ne font que leur demander qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Et le verset nous l'explique. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. La traduction approximative du sens du verset. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Gloire et pureté à lui. gloire et pureté à lui, et il est bien au-dessus de ceux de ce qu'il lui associe, de ce qu'il lui donne comme associé. Le Coran, mais quoi, appelle aussi à croire au jour dernier et à la résurrection. Car les polythéistes l'a rejeté. Et le Coran, confirme et appelle au fait de croire en le jour de la résurrection, ou le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les négateurs de la résurrection, de Quraysh et de tous bords. قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. La traduction approximative du sens du verset nous dit: les mécréants prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Réponds-leur bien au contraire, par mon Seigneur, vous serez ressuscités, puis informés de ce que vous faisiez. Cela est facile pour Allah. Le Coran, mais quoi aussi, défie les Arabes, malgré leur éloquence linguistique, il les a défiés à produire une sourate ou un verset semblable au Coran. قال عز وجل أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. Il dit dans le verset, mais ils disent, Muhammad l'a inventé, c'est-à-dire il a inventé le Coran. Répond-leur, produisez donc une seule sourate semblable et demandez l'aide de qui vous pouvez, de qui vous pourrez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se défie et il est là jusqu'à la fin des temps. Pour le djinn et pour les humains. Tous les deux sont défiés pour ramener un verset équivalent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Usayl al-Malik Dab, il dit, moi aussi je reçois la révélation, il a commencé à dire, Walfil, wa ma adraka malfil, dul khartoum al-tawil, etc. Sa fille l'a regardé, il lui a dit, tu es un menteur. Sa petite fille. Il a commencé à inventer en faisant une rime avec l'éléphant, la trompe de l'éléphant, etc. Et faire une rime avec ça en arabe. Et il a dit, je reçois la révélation. Sa fille, petite, l'une des petites filles, hein, il lui a dit, tu mens, tu es un menteur. Hein? Dans le Coran, mais quoi, il y a l'évocation des communautés qui ont démenti les messagers alayhim salatu salam et qui n'ont pas cru en les messagers alayhim salatu salam. Et qui ont été exterminés. Et qui ont reçu le châtiment dans ce bas monde avant de ce qui les attend là-bas dans le delà. Le peuple de Saleh, le peuple de Shu'aib, le peuple de Nuh, de Lot, Ad, Tamoud, Fir'aoun et autres, parmi tous ceux qui n'ont pas cru au message alayhi salatu salam et ont leur message. Le Coran, mais quoi, recommande la patience et l'endurance. Hein? Parce que c'est l'état de faiblesse. قال عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. La traduction approximative du sens du verset, patiente face à ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux sans leur rendre l'appareil. Le Coran, mais quoi, prouve par les signes universels et par les arguments rationnels l'unicité de la seigneurie qui exige obligatoirement que le culte soit réservé uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, mais quoi, se distingue par son style et par les mots percutants dont les lettres lancent la menace et le châtiment. Al-Qari'a, Al-Tamma, Al-Sakha, Al-Waqi'a. Le fracas, le son assourdissant, l'inévitable, le cataclysme. Quant au Coran médinois, il traite en majorité des sujets suivants. L'appel au combat sur le sentier d'Allah pour faire triompher la religion d'Allah. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. La traduction approximative du sens du verset dit « Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah, puis tuent ou se tuent ou se font tuer. Hein? » Mais détrompe-toi, Khal Islam. Le combat vers lequel appelle le Coran, c'est pas le combat de Dawa'ish ni de l'Qaïda. Abadan. Hada, c'est la corruption sur terre. Hein? Et ceux-là, ils cherchent le pouvoir. Donc, il ne faut pas te leurrer. Le combat qui est demandé est un combat qui est conditionné, il a ses règles. Il doit se faire derrière un drapeau d'un gouverneur. Et non pas en bande de mercenaires qui font n'importe quoi sur terre et qui crient la zizanie et hein, qui tuent des innocents et ainsi de suite. Et qui ne font que noircir, calomnier l'image de l'islam et des musulmans. Il faut, hein, détrompe-toi et ne goûte pas n'importe quoi. Le Coran médinois clarifie les lois de l'islam, hein, et les statuts juridiques, comme le statut du riba, l'usure, l'adultère, le vol, les assassinats, tout ceci est réglementé dans les versets médinois. Qala subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Il dit dans le verset: ô vous qui croyez, préservez les droits d'Allah et renoncez à tout relégat usuraire. Si vous êtes réellement croyants, si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Et si vous vous repentez, vous récupérerez uniquement vos capitaux. Ainsi, vous ne léserez personne et vous ne serez pas lésés. Ça, c'est un verset médinois. Et dans les versets médinois, ils sont caractérisés par le fait d'instaurer des lois. Le Coran médinois explique et clarifie les sentences islamiques, comme la sentence de la fornication zina, ou celle du vol, et des assassinats, et les autres peines. Et tout ceci pour assurer la sécurité. Le Coran médinois dévoile les hypocrites et leurs complots, et fait connaître leurs signes, et d'autres choses encore. Parce que quand ils étaient à la Mecque, peut pas y avoir des hypocrites. Les musulmans étaient faibles. Et celui qui rentre dans l'islam, c'est avec la force de la foi, etc. Il résiste à son islam. Mais une fois à Médine, où le pouvoir était musulman, où le pouvoir est dans les mains du prophète alayhi salam, là, sont apparus ceux qui n'ont pas cru réellement, qui ont cru en apparence, et avec leur langue et leur cœur n'y sont pas. Et donc, pour ça que le Coran médinois, dans le Coran médinois, on trouve, hein, la citation de l'hypocrisie, des hypocrites, etc. Il y a une sourate complète, qui est la sourate des hypocrites. Hein? La connaissance du Coran mekkiois et médinois aide à comprendre le Coran et fait découvrir la beauté et l'excellence du style particulier du Coran, et cela sert beaucoup dans le champ de la da'wa ila Allah azza wa jal. Car chaque situation, il a le style qui lui convient et les paroles qui lui sont adéquates et les positions adéquates pour chaque situation. Le Coran mécois et médinois nous arrête sur des événements vécus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le Coran est la source la plus authentique de ce qu'a vécu notre messager alayhi salatu wassalam. Donc la source la plus authentique de la biographie du messager alayhi salatu wassalam. Un point important ici qu'il faut savoir, quand une sourate est qualifiée de mécoise, il ne faut pas comprendre qu'elle est entièrement révélée avant l'hijra. Car il y a des versets mécois et médinois dans une même sourate, et vice versa. Mais c'est un qualificatif qui caractérise la majorité du verset qui consiste la sourate. C'est pour ça, dans certaines exégèses de nos savants, on lit la sourate est mécoise, sauf tel ou tel verset qui sont médinois, et vice versa. Rien d'étonnant. Par exemple, sourate le butin, qui est une sourate médinoise. Certains savants disent sauf ce verset. قال عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. La traduction approximative du sens du verset. Rappelle-toi, lorsque les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou t'exiler, ils rusèrent contre toi. Et Allah rusa contre eux, et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Muqatil, rahimahullah, a dit, ce verset a été révélé à la Mecque, et son sens apparent le prouve. Il décrit comment les polythéistes ont comploté contre le messager sallallahu alayhi wa sallam, à Dar Nadwa, la maison d'eux, des consultations quraishites, où les quraishites faisaient leurs consultations. Ceci avant l'hijra. Le verset, ce complot était en train de se tramer contre le prophète alayhi salam avant la hijra. Donc ce verset au milieu de la sourate, le butin, est un verset, et la sourate du butin est une sourate médinoise. Et le verset celui-là est un verset mécois. Le nombre de sourate mécoise, selon certains savants, est de 82 sourates. Et le nombre de sourates médinoises est de 20 sourates. Les savants divergent sur le nombre de sourates restantes qui sont au nombre de 12. Car la totalité des sourates du Coran est au nombre de 114 sourates. 114 sourates. Et le nombre des versets est de 6236 versets dans tout le Coran, du début jusqu'à la fin. 6236 versets. Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, relève un point très important ici, avec lequel on peut comprendre certaines réactions de certains gouverneurs de l'Islam aujourd'hui vis-à-vis des puissances. Cheikh l'Islam, il dit, quand les musulmans sont en état de faiblesse, ils doivent surtout mettre en application le Coran mécois, étant donné que celui-ci appelle à la patience et l'endurance face à tout type de mal qu'ils subissent et interdit l'affrontement avec les ennemis d'Allah, contrairement au Coran médinois, qui appelle à la défense des acquis de la communauté, et cela au moment de la force de celle-ci. Ça, c'est la compréhension saine avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les imams comme Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, et l'imam Ahmad et d'autres parmi les grands hommes de science de cette communauté. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula, anij'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.